Nous retrouvons Franck Ferrand comme chaque jour à 14h sur Europe 1 pour réécouter les meilleures émissions de la saison qui vient de s'écouler. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous raconte une catastrophe terrible, l'éruption de la montagne Pelée à la Martinique en 1902. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Les grandes éruptions volcaniques comptent au nombre des événements les plus marquants de l'histoire, évidemment. Songez au Vésuve et à Pompéi. Je vais donc vous raconter l'éruption de la montagne Pelée, puis nous évoquerons toutes ces catastrophes volcaniques avec le géologue Charles Frankel. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Louise qui souhaiterait connaître l'origine de l'expression « perfide Albion » pour désigner l'Angleterre. Expression employée plutôt par les anglophobes, mais aussi par des anglophiles dans mon genre qui aiment à manier l'ironie. Je répondrai avec plaisir à Louise. Pour le moment, je vous propose de nous envoler pour la Martinique et d'aller y revivre les heures terribles de ce printemps 1902. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'année n'est pas innocente, nous sommes alors à l'apogée de l'Empire colonial français. Or, à l'époque, la Martinique est loin d'être un département d'outre-mer, elle est encore une colonie, colonie où la crise de la canne à sucre commence à semer du désordre. Les deux villes principales de cette île de la mer des Caraïbes sont Fort-de-France, bien sûr, la capitale, située au milieu de la côte ouest de l'île, et puis plus au nord, une autre ville plus belle encore, et d'ailleurs plus peuplée, que l'on surnomme un peu facilement la Venise des Tropiques, c'est Saint-Pierre. Eh bien, c'est Saint-Pierre qui va subir l'éruption de plein fouet. La première colonne de fumée a été aperçue au-dessus du volcan le 25 avril de cette année 1902. Pour les 30 000 habitants de Saint-Pierre, ce n'est pas une grosse émotion. Là-bas, tout le monde sait que la montagne Pelée, ou le mont Pelée, on dit les deux, qui culmine à près de 1400 mètres, est un volcan assez récent. D'où vient son nom? Peut-être de l'absence de végétation sur ses pentes, à moins qu'il ne s'agisse d'un hommage à la divinité haïtienne des volcans. Plus généralement, c'est tout cet archipel des petites Antilles qui, comme un chapelet de cônes basaltiques disposés en arc de cercle sur l'océan, est le produit d'éruptions volcaniques. Certains des volcans sont éteints, d'autres seulement en sommeil. Les Antillais ont dû apprendre avec le temps petit à petit à vivre avec. Sauf que cette fois, le réveil du monstre paraît sérieux. 8 jours après les premières fumerolles, le 2 mai, Saint-Pierre essuie une véritable chute de cendres, des cendres qui, telles une neige chaude et grise, se mettent à recouvrir d'une couche épaisse les maisons, les arbres. Vous voyez tout s'estomper sous les cendres. Et le même jour, à 7 kilomètres au sud de la ville, un certain Pierre Lavenière, alors que des cendres très chaudes calcinent lentement sa plantation de canne à sucre, Pierre Lavenière, donc, accompagné de ses enfants, employé se retrouve prisonnier d'une coulée de boue fumante. Il est bientôt englué, englouti et il périt sous les yeux horrifiés de sa fille. L'éruption du Mont Pelée vient de faire alors ses premières victimes. Au même moment, mais cette fois au nord de Saint-Pierre, dans le village du Prêcheur, les fidèles qui se rendaient à la messe de midi, la grande institution locale, lorsqu'ils se retrouvent avec de la cendre tiède jusqu'aux chevilles, s'inquiètent évidemment. Or, ils découvrent soudain qu'une effrayante coulée de lave traverse le village, ce qui les fait déguerpir jusqu'à la côte. Tous ces signes avant-coureurs justifieraient de la part des autorités la prise de mesures d'urgence. Seulement, les dites autorités sont pour le moment dans un état d'esprit tout autre. À Saint-Pierre, le maire, Roger Fouché, se montre soucieux de ne pas dramatiser. Deux grosses échéances l'attendent pour les jours suivants. D'abord, le dimanche 4 mai, il y a les élections législatives partielles qui doivent se tenir dans son arrondissement. Et 2 jours plus tard, le 6 mai, il doit recevoir la visite du gouverneur Moutet et de son épouse. C'est une réception officielle suivie d'un grand dîner. Ce n'est donc pas le moment de déranger Monsieur Fouché avec des histoires de montagnes qui fument ou de boue trop chaude. À Fort-de-France, même attitude. Là-bas, tout va très bien. Le journal local, Les Colonies, ne cite-t-il pas dans son édition de ce vendredi une autorité scientifique qui affirme qu'il n'y a rien à craindre du volcan en plein réveil? Cette prétendue autorité, évidemment, j'ai pas besoin de vous préciser que c'est une invention de journaliste. Tout ça prêterait à sourire si les conséquences de cette attitude n'étaient pas appelées à devenir terribles. Si le maire est à ce point soucieux de plaire au gouverneur, c'est que l'un et l'autre partagent le même souci à propos des élections du dimanche suivant. Il y a deux candidats en lice, celui des progressistes Fernand Clerc, qui en réalité est le représentant des propriétaires et qui défend les intérêts coloniaux, c'est évidemment lui que soutiennent le maire et le gouverneur, et puis celui des radicaux, Persin, qui se trouve plutôt du côté de la population antillaise d'origine et qui prend fait et cause pour les ouvriers. Il est d'ailleurs soutenu par Amédée Knight, le sénateur de Lille, qui est un homme de couleur. Or, ce dernier attaque constamment les gens en place pour leur incurie, leur immobilisme. En l'occurrence, il s'est emparé d'entrée de jeu de cette affaire de volcan pour dénoncer l'absence de réaction des autorités. Entre nous soit dit, voilà comment des considérations politiques vont avoir un rôle essentiel sur une affaire qui n'est au départ qu'une affaire de sécurité civile. Alors on pourrait dire que c'est pour ne pas mettre le candidat clair en porte-à-faux que le gouverneur va refuser toute mesure susceptible d'être interprétée comme une concession à l'inquiétude ambiante. En vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Que voulez-vous ? Ces administrateurs coloniaux se veulent avant tout des hommes d'ordre. Tout ce qui peut troubler la marche ordinaire des affaires leur donne de l'urticaire. Ils préfèrent donc nier l'évidence plutôt que de risquer un quelconque désordre. À 10h30 ce vendredi matin, le gouverneur est informé de ce qui s'est passé à la propriété Lavenière et au village du Prêcheur. Seulement, il ne lève pas le petit doigt. À Fort-de-France, tout va bien. Le lendemain, samedi 3 mai, la rivière Roxelane charrie des boues dangereuses, ce qui n'empêche pas le journal d'annoncer pour le lendemain, là on est vraiment dans l'inconscience, une randonnée touristique sur les flancs du volcan. Moi, je ne suis pas candidat du tout. Ce même samedi matin, à la prison de Saint-Pierre, un garçon de couleur de 19 ans vit dans l'angoisse. On l'a condamné à mort pour le meurtre d'un blanc et il attend son exécution. Le verdict a beau être sujet à controverse, des ouvriers n'en sont pas moins en train d'installer déjà la guillotine dans la cour de la prison. Soudain, pendant la pause du déjeuner, la terre se met à trembler, trois secousses très violentes qui font s'écrouler l'échafaud. Auguste Siparis, c'est le nom du jeune condamné, lève les yeux au ciel. Il se demande si ça ne serait pas un heureux présage. Les secousses, il faut le dire, ont impressionné tout le monde. Même le candidat Clerc, au-delà de la guéguerre politicienne, souhaiterait que le gouverneur fasse évacuer Saint-Pierre. Ses propres troupes le désavouent et se contentent d'organiser l'installation des paysans réfugiés en ville. Non mais vraiment, on croit rêver. À Fort-de-France, tout va bien. Le gouverneur Moutet a clairement ressenti les secousses et il écrit « Les secousses n'ont pas fait de victimes, il n'y a donc pas à s'inquiéter ». Pour ce qui est des victimes, il a tort, car un convoi funèbre qui passait sur un pont a sombré avec le corbillard dans l'effondrement de l'ouvrage et ça vient de faire tout de même 20 morts. Quant à l'inquiétude... Depuis son presbytère du Morne-Vert, le Morne c'est le nom qu'on donne là-bas aux collines, hein, à la Martinique, le père Alteroche, qui est un vulcanologue amateur, partage l'inquiétude de Claire et l'inquiétude des gens informés. Il sait bien que les grandes éruptions sont souvent précédées d'un séisme. Alan Silvestri sur Europe 1, un extrait du film Volcano, sorti en 1997 avec l'acteur Tommy Lee Jones. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'éruption de la montagne Pelée. Alors, dans la nuit du 3 au 4 mai, la population est tirée du lit par des chutes de pierres ponces en masse qui viennent taper contre les volets. Vous savez, pendant une demi-heure, le ciel s'embrase et devient tout rouge. Le dimanche matin, la terre s'ouvre en deux endroits sur plus de 500 mètres, ce qui engloutit notamment 20 ouvriers de la plantation Guérin, qui est la plus importante de l'île. Cette fois quand même, le gouverneur ne peut plus détourner le regard. Il constitue une commission d'enquête de 5 membres, dont un scientifique. Commission qui prend aussitôt le chemin de Saint-Pierre. Elle y parvient en plein scrutin, les événements n'ayant pas dissuadé les électeurs de se rendre aux urnes. À 20h, le maire Roger Fouché peut annoncer le succès de Claire, qui précède Persin d'une courte tête. Succès temporaire, puisqu'en tenant compte des reports de voix, les radicaux devraient en fait l'emporter le dimanche suivant. Le seul problème, c'est que le dimanche qui vient, il n'y aura plus un seul électeur vivant à Saint-Pierre. Mais n'avançons pas trop vite en besogne. Pour le moment, le gouverneur rédige sa dépêche à l'intention du ministre des Colonies. Pour la première fois, il mentionne le réveil du Mont Pelé, mais en prenant bien soin de préciser que l'éruption semble vouloir diminuer. Il n'a tenu aucun compte du tremblement de terre du samedi matin, pourtant signe avant-coureur d'une éruption probable. Or, si le tremblement de terre est un signe, la fuite des animaux sauvages en est un autre. Au matin du lundi 5 mai, la région de Saint-Pierre se trouve littéralement envahie de mille pattes et de fourmis, des fourmis qui se déplacent par millions, autant dire par fourmilière entière. Les scolopendres, quant à eux, mesurent facilement 30 cm. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aux Antilles, ils n'ont pas bonne réputation. Il faut rompre les barriques d'huile pour engluer les fourmis, il faut jeter des seaux d'eau sur les chevaux pour les débarrasser des parasites. Plus grave encore, dans la ville même, on voit arriver ce lundi matin des centaines et bientôt des milliers de serpents fer de lance. C'est un reptile qui fait quand même 1m80 et dont le venin est très virulent. Ça rend sa morsure fatale à tous les coups. Ces serpents venimeux sont comme des fouets électriques qui littéralement sautent sur les gens. Vous imaginez comme c'est rassurant. En une demi-heure, ils font tout de suite une trentaine de morts et le maire doit faire appel à l'armée. En vérité, ce sont les chats qui vont se révéler le plus efficace contre les serpents fer de lance et on assiste à un spectacle hallucinant des félins qui partout se jettent sur les reptiles. À 15h05, à 800 mètres d'altitude sur le flanc du volcan, au lieu dit le Grand Bois, c'est-à-dire exactement au niveau de la source d'une rivière, la rivière Blanche, se produit la première éruption à proprement parler. Un morceau de roc de 30 mètres de long se détache d'un bloc et s'abat sur les bois en contrebas. Cette trouée libère un énorme torrent de boue, de lave, de gaz, de roche, tout ça mêlé, une coulée en fusion de 30 mètres d'épaisseur sur 200 mètres de large et qui, soufflant comme un dragon, dévale les pentes et attaque la vallée à une vitesse inouïe. Le torrent incandescent grossit à mesure de sa chute et c'est une masse absolument gigantesque qui s'abat sur la sucrerie Guérin pour n'en laisser que des ruines avec au milieu une cheminée d'usine toute penchée, comme ça, une sorte de vestige dérisoire. Depuis son morne verre, le prêtre, là, le père Alteroche, a vu tout cela, les yeux écarquillés. Il voit maintenant la masse de plusieurs millions de tonnes qui fond sur la mer pour s'y déverser. Ça crée une lame de fond, véritable mur d'eau de 25 à 30 mètres de haut qui s'avance vers la côte, sous le ciel totalement obscurci, évidemment. La vague roule un magma de roches et de débris divers. Elle émet un sifflement puissant et en se jetant sur le littoral, elle emporte tout, jusqu'aux maisons, jusqu'aux entrepôts. On ne sait même pas combien de victimes elle aura faites, mais elle mettra 20 bonnes minutes à se retirer dans un terrible bruit de succion. Évidemment, le commandant de la garnison adresse des télégrammes au gouverneur pour le prévenir de ces différentes catastrophes. Seulement pour Motet, l'essentiel est ailleurs. La commission vient de rendre son rapport et à première vue, il est plutôt rassurant. Le gouverneur se congratule, il a bien fait, il a clairement analysé la situation. Décidément, à Fort-de-France, tout va très bien. À Saint-Pierre, on n'a plus tellement envie d'en dire autant. Et d'autant moins que, depuis le début de la soirée, de grands tonneaux de goudron ont été embrasés dans le couchant. Ça, c'est le signe qu'une épidémie règne en ville. Et oui, tous ces mouvements de terre, mais aussi ces monceaux de cadavres rejetés par les flots, tout ça a favorisé la variole et des mesures sanitaires doivent être prises. Or, dès le lendemain, à l'aube du 6 mai, la population est terrorisée. On a l'impression d'une sorte de catastrophe qui n'en finit plus. Les épisodes s'accumulent et là, cette fois, ce sont de nouvelles projections de pierres brûlantes en provenance du cratère. Il en faudrait davantage pour décourager le maire. Roger Fouché est déjà tout à sa grande réception du soir même pour laquelle les préparatifs battent son plein. Il faudra songer, dit-il, à faire éventer les invités et veiller à ce que les sièges soient convenablement houssés. Oui, c'est vrai que ça, c'est très important. La veille, le gouverneur s'est tout de même inquiété de rumeurs à propos d'évacuations sauvages. Fouché s'est empressé de le tranquilliser. Il faudrait tout de même pas qu'il renonce à venir dîner. Cependant, le gouverneur Moutet n'est pas tranquille, alors il décide d'envoyer la troupe, tenez-vous bien, pour empêcher les habitants de Saint-Pierre de quitter la ville. Et ça par la contrainte, si nécessaire. Les soldats de la République vont donc refouler un début d'exode de la population en direction de Fort-de-France. Pour le gouverneur, il vaut mieux qu'un administré meure en ordre plutôt qu'il survive au risque du désordre. Voilà la conclusion qu'on peut tirer de toute cette affaire. Depuis son promontoire du Morne-Vert, le père Alteroche observe de loin l'évolution de la catastrophe. Dans la matinée, il a supplié le vicaire général d'intervenir auprès du gouverneur en faveur d'une évacuation générale et rapide. On lui a répondu qu'en ces temps de débat sur la séparation de l'Église et de l'État, une telle intervention ne serait pas du tout bienvenue. Et pendant ce temps, au sommet de la montagne Pelée, une lueur très brillante, d'abord rosée, puis de plus en plus rouge et même très rouge, une lueur se forme avant d'être expulsée dans l'air avec un sifflement affreux. À Fort-de-France, tout va très bien. Le gouverneur a entendu le sifflement, mais il l'a pris pour la sirène d'un croiseur qui mouillait au large. Vous savez ce que l'on dit, il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous revenons à l'éruption de la montagne du Mont-Pelée avec vous, Franck Ferrand. En pleine nuit, à 3h10 du matin, ce mercredi 7 mai 1902, une énorme explosion réveille en sursaut non seulement les habitants de Saint-Pierre, mais aussi ceux de l'île entière. En se levant, le vicaire général, qui prend quand même très au sérieux l'alerte de la nuit, décide de quitter Saint-Pierre aussitôt après la messe de midi. Il fera bien. Le candidat Fernand Clerc, lui, n'en déplaise à ses partisans, a fait préparer sa voiture familiale et il a donné toute liberté à son personnel d'agir à son gré. N'oublions pas le jeune condamné, là, Auguste Siparis, qui vient de recevoir, à l'occasion de la visite du gouverneur, notification de sa grâce. Donc il ne sera pas guillotiné. À Fort-de-France, tout va bien. En fin d'après-midi, le gouverneur et son épouse, en grande tenue, sont montés dans leur landau et ils ont pris tranquillement la route de Saint-Pierre. Seulement, soudain, changement de décor. À mesure que le gouverneur s'approche de la destination, il est littéralement sidéré du spectacle qui s'offre à lui. Il voit à quel point les catastrophes des journées précédentes ont complètement bouleversé le paysage. Alors, d'abord, il est incrédule de ce qu'il voit et puis peu à peu, il est atterré. Et au moment de son arrivée à Saint-Pierre, il est carrément furieux, il file tout droit à sa chambre qui a été réservée à l'hôtel de l'Indépendance. Ainsi donc, on lui a caché la vérité. C'est du moins ce qu'il veut faire croire, parce qu'entre nous quand même, il a eu un certain nombre de moyens, ce gouverneur, d'apprendre ce qui se passait réellement sur place. Il envoie son secrétaire annoncer au maire que le dîner de gala est purement et simplement annulé. Ce qui, pour Fouché, vous imaginez, est un coup terrible. Mais quoi, on lui sabote sa soirée? Les habitants, quant à eux, sont un peu rassurés quand même par la présence du gouverneur dans leur mur. Ils se disent que si le gouverneur s'est installé à l'hôtel, c'est qu'il n'y a finalement peut-être pas tant de risques que ça. Ils vont tenter de s'endormir en paix. Pendant ce temps, depuis son presbytère éloigné, le père Alteroche s'attend au pire. Il scrute le sommet de la montagne Pelée, il a raison. Dans la nuit du jeudi 8 mai, à 5h du matin, le volcan se met à gronder de plus en plus fort. Tout paraît suspendu à cette colère des profondeurs. Déjà, une épaisse fumée rougeoyante se répand dans l'atmosphère. On dirait une sorte de feu grégeois. À 7h30, la colonne de vapeur s'élevant du cratère était parfaitement verticale et laissait le morne, la croix, absolument dégagée, note Alteroche, qui constate que la nuée ardente s'arrête à peu près au niveau d'un village qui s'appelle Le Carbet. Ce qu'il faut savoir à propos de cette éruption historique, c'est qu'elle n'a pas eu lieu par le cratère principal au sommet du volcan, mais par un orifice qui s'est créé sur le flanc de la montagne. On appelle ça une éruption à libération latérale. Et pour tout vous dire, c'est la première fois qu'on observait ce phénomène. Or, justement, la bouche de feu s'est ouverte exactement en surplomb de la ville de Saint-Pierre. À 8h du matin, une grosse boule de feu crève le flanc du volcan. Elle donne un instant le sentiment de vouloir rester accrochée au flanc de la montagne. Et puis elle se met à dévaler lentement la pente en direction de Saint-Pierre par la vallée de la rivière Blanche. Fernand Clerc et les siens observent tout ça depuis le piton du morne Parnasse où ils se sont réfugiés. La boule s'allonge maintenant en une langue de feu incandescente et bientôt tout Saint-Pierre disparaît dans le rougeoiement. À 8h03, le télégraphiste d'un navire qui mouillait dans la rade envoie le premier SOS. Saint-Pierre détruit par éruption, montagne Pelée, envoie-t-il. Et de fait, 30 000 personnes Rhône viennent de disparaître. Il ne faudrait pas croire que les navires de la rade sont hors d'atteinte pour autant. Les projections de pierres, de boue brûlante, de gaz, les lames de fond aussi suscitées par ce déferlement, tout ça va avoir raison de la plupart des navires qui, comme le célèbre Belém, vont être anéantis. Sur les 30 milliers d'habitants de Saint-Pierre, deux vont survivre, je dis bien seulement deux. Le cordonnier Léon Compère, qui s'était calfeutré dans sa cave pour échapper aux parasites et aux reptiles, comme quoi il y a des phobies parfois qui peuvent rendre service. Et puis notre condamné à mort, gracié, Auguste Siparis, qui certes sera brûlé dans son cachot, mais s'en sortira vivant. Et plus tard, bien plus tard, il racontera son incroyable aventure chez Barnum. Le nombre exact des victimes est de 29 933, tout ça en moins d'une minute et sur une zone de 15 km carrés. On peut quand même pas dire que aucun signe avant-coureur n'aurait pu alerter les autorités. Vous avez vu à quel point, depuis 4 jours, les catastrophes succédaient aux catastrophes. On avait vu ces premières coulées, cette lame de fond, ces pluies de pierres ponces, ces projections, devrais-je dire plutôt, de pierres ponces. Tout ça, évidemment, aurait dû alerter les autorités, dire qu'il aurait suffi d'un mot, d'un ordre de responsables comme Fouché ou comme Moutet, et tout aurait pu être évité. En tout cas, on aurait pu faire évacuer la ville de Saint-Pierre. Il est vrai, il faut quand même le souligner, que et Fouché et Moutet ont payé cette imprévoyance de leur vie, ce qui prouve qu'ils avaient peut-être de bonne foi sous-estimé la gravité des signes avant-coureurs. 4 mois plus tard, le volcan va récidiver. Ce sera le 30 août 1902. Et le plus extraordinaire, c'est que de nouveau, on refusera de prendre la menace au sérieux et que cette fois, le volcan fera encore 1400 victimes. Et puis, après avoir le 3 novembre fait jaillir de son dôme un bloc de 350 mètres, le volcan va se calmer. Mais on peut dire que depuis 112 ans, ses plus proches voisins ont tout de même tendance à ne dormir que d'un œil. Bonjour Charles Frankel, il y aurait beaucoup à dire sur cette catastrophe de la montagne Pelée. Avec vous, nous allons revenir sur elle, mais aussi sur bien d'autres catastrophes volcaniques à travers les siècles. Et nous sommes au cœur de l'histoire de l'éruption de la montagne Pelée. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Charles Frankel, géologue et spécialiste du système solaire, auteur, entre autres, de Vous êtes ici, des clés pour comprendre la planète aux éditions Duno. Ce que vous me disiez, Charles Frankel, pendant l'interruption, c'est que j'ai commis une erreur à propos du Belém, ce grand navire qui, après tout, est toujours là. Donc, il n'a pas péri, lui, pendant la catastrophe. C'est exact. Il a eu beaucoup de chance parce que, quand il est venu mouiller dans la rade de Saint-Pierre, il a vu que sa place était prise par un autre bateau. Le capitaine était furieux. Il a dû aller mouiller plus loin et le bateau a été touché par l'éruption. Il y a eu des dégâts, mais heureusement, il s'en est sorti. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut encore le voir lorsqu'il y a le grand pavois ou des choses exactement. De ce genre. Hein, c'est le même. Voilà. C'est bien le même navire. Ça n'est pas une reconstitution. Alors, j'ai beaucoup axé ce récit, vous l'avez vu, sur la dimension politique et sur l'irresponsabilité d'un certain nombre d'autorités. Je pense au gouverneur, au maire de Saint-Pierre. En même temps, puisque l'un comme l'autre sont morts dans la catastrophe, on peut imaginer qu'ils n'avaient pas pris la mesure du danger. Tout à fait. La montagne Pelée n'avait jusqu'alors pas tué de mémoire d'homme. Et elle avait eu des petites éruptions auparavant, une en 1852, si je ne m'abuse, qui était juste un petit éternuement de vapeur d'eau. Et donc, la population, au début, se croyait à l'abri. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de spécialistes de volcanologie c'est à l'époque. La volcanologie n'existait pas en tant que telle, en fait. Absolument pas. Il y avait des passionnés des volcans, déjà. Ah oui, en particulier. Nous avons vu ce bon père, notamment, qui suit toutes les opérations d'un peu loin depuis son morne et qui s'était depuis longtemps passionné pour les volcans en général et pour le Mont Pelée en particulier. Absolument. Et la seule autorité scientifique à Saint-Pierre, c'était l'instituteur du lycée de sciences nattes. C'est tout. En fait, d'ailleurs, ce célèbre comité pseudo-scientifique qui devait, à l'ordre du gouverneur, écrire un rapport, le rapport a été publié quand tout le monde était mort. Oui, c'est ça. Ça arrivait un peu tard, évidemment. Et c'était un rapport, effectivement, tout à fait paisible. Alors, du coup, cette catastrophe de 1902 se trouve être, finalement, la première qui va faire l'objet d'une véritable étude scientifique. A posteriori, naturellement. Oui, a posteriori, parce que on va envoyer depuis la France Alfred Lacroix, qui va étudier, parce qu'en plus l'éruption ne s'arrête pas. Donc il va pouvoir observer lui-même d'autres nuées ardentes, qui est quelque chose de tout à fait nouveau en volcanologie, de voir ces déferlements d'émulsions gazeuses rouler sur la pente. Il y aura également un volcanologue américain, Tom Jager, qui va venir des États-Unis. Les États-Unis, étant tout proches, sont parmi les premiers d'ailleurs à envoyer des secours. Et à cette suite, d'ailleurs, Tom Jager va fonder aux États-Unis un observatoire volcanologique. Donc on assiste effectivement là au début de la volcanologie. Oui, d'une nouvelle science en quelque sorte. Cette éruption était un peu particulière. J'ai expliqué qu'en fait, l'issue, l'ouverture, ne se situait pas à l'intérieur du cratère de l'ancien volcan, mais sur une de ses parois. C'est assez particulier comme cas de figure. Oui, c'est dû en fait à la nature très visqueuse des laves. Les laves ne s'épanchent pas comme à l'Etna, en une coulée de basalte rougeoyante qui serpente. Non, là c'est une lave très très visqueuse, comme une pâte dentifrice que vous pressez qui sort du tube, qui encapsule plein de gaz jusqu'à ce que la baisse de pression fasse comme une mousse. Et cette mousse va faire ébouler un pan de la montagne. Et donc l'éruption va être, comme vous dites, latérale. Elle va déferler sur le côté et malheureusement à peu près dans la direction de Saint-Pierre. Et c'est ça. Ça, c'est un pur hasard, évidemment. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu imaginer que le trou, si je puis dire, soit de l'autre côté du volcan. Il est tombé du mauvais côté. Alors en même temps, il va suivre la source de la rivière Blanche. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus tout à fait un hasard. Non. Il va suivre la topographie. Mais c'est vrai que quand vous regardez un volcan comme la montagne Pelée, c'est une espèce d'étoile de mer avec des bras et des vallons. Et donc, un déferlement mu par la gravité, comme dans ce cas de figure, va suivre un vallon. Et là, c'était la rivière Blanche qui débouche justement sur l'usine Guérin dont vous avez parlé. En revanche, victime de la catastrophe. Saint-Pierre était un peu protégé parce qu'il y a une ride de colline qui sépare le vallon de la rivière Blanche et la ville à proprement parler. Et en fait, c'est pas tant la nuée ardente elle-même qui va tuer les 30 000 habitants, c'est le souffle brûlant sur le côté. Parce que la nuée ardente de gaz et de roches va rouler dans le vallon et ne va pas pouvoir franchir les collines qui font mur, qui font barrage. En revanche, c'est le blast d'air chaud sur les côtés qui, lui, ne s'en fiche qu'il y ait de la topographie, qui va sauter les collines et qui va souffler sur la ville avec des cendres fines mêlées aussi. Mais c'est plus l'air chaud, sans doute à 200 ou 300 degrés, qui va tuer les habitants. Ils seront saupoudrés également d'un peu de cendres. Et plus tard, il y aura une ou deux nuées ardentes qui passeront quand même à travers la ville. Mais dans un premier temps, ça va être le blast extrêmement chaud et ils vont suffoquer. Il y a eu des grondements, il y a eu ce fameux tremblement de terre qui quand même aurait dû alerter les gens. Et il y a eu ces projections de pierres ponces, ces fumerolles. Mais ça, évidemment, on est très habitué lorsqu'on habite à côté d'un volcan encore en activité à ce genre de fumée. Donc ça n'impressionnait personne. Et puis quand même, ces coulées de boue, de cendres tièdes, on avait eu de nombreux signes avant-coureurs. Oui, on avait raison de paniquer dans la ville. Et d'ailleurs, il y a eu certaines lettres, en particulier, si je me souviens bien, c'était la femme du consul britannique à Saint-Pierre qui a écrit des lettres à ses proches. Et dans ces lettres, elle dit bien qu'elle pense qu'elle va mourir. Donc, beaucoup de personnes étaient vraiment très conscientes du danger qu'ils couraient. Mais comme vous le disiez, à cause de l'ordre, à cause des élections législatives du second tour, on a enfermé la population. Oui, voilà, c'est incroyable. Et comme vous dites, en plus, les habitants des villages voisins sont venus se réfugier à Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'habituellement, quand il y a une catastrophe naturelle, on établit un cordon sanitaire à l'envers, si je puis dire, pour éviter la propagation des épidémies. Là, c'est l'inverse, on est allé enfermer les gens à l'endroit même où ils étaient le plus vulnérables. Voilà. C'est quand même... Ils se croyaient en sécurité, justement, à cause de l'ordre, à cause du fait qu'il y avait là civilisation. Alors, il n'y a eu que deux rescapés, ça paraît vraiment très peu. C'est incroyable d'ailleurs. On peut dire que dans l'histoire, Dieu sait que nous avons à ce micro depuis 10 ans raconté de très nombreuses catastrophes, mais d'habitude c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en dépit de l'ampleur des événements, on ne relève qu'un nombre relativement limité de morts. Là, c'est tout l'inverse. Tout le monde y passe en fait. Oui, tout le monde y passe, sauf les deux que vous avez cités. Donc, le cordonnier et le condamné. Oui. Voilà, et compère Léandre. Et en fait, il y a eu une autre personne, mais qui est morte pendant les premiers secours, qui a pu donner sa version des événements, car évidemment, ces deux survivants ont pu raconter ce qu'ils ont vécu. Et c'était assez atroce. Oui, ça a servi ça dans le fameux rapport dont vous parliez. Hein. C'est-à-dire que on a ensuite étudié de très près tout ça et on s'est dit qu'il pouvait être utile peut-être de connaître les symptômes pour éviter que tout ne se reproduise. Ah oui. Ce qui n'a pas empêché au mois d'août une deuxième catastrophe qui va encore faire 1400 morts. Hein. Oui, tout à fait. Et pour la petite histoire, le pauvre Auguste, Louis-Auguste Siparis, qui avait été rescapé gravement brûlé de sa cellule, avait été envoyé à l'hôpital de Morne-Rouge pour récupérer et s'est pris une deuxième nuit ardente sur le dos. Dont il a réchappé également. Là, il a dit j'en ai marre. Et il est parti. Il a été donc repris par le grand cirque Barnum Bailey. Oui. Et donc montré à tous les coins des États-Unis comme le rescapé du jugement dernier. Voilà, oui, voilà. Vraiment, à tout point de vue. Lord Daly s'était prononcé en sa faveur, lui. On pourrait évoquer, bien entendu, le rôle qu'a eu cette catastrophe dans l'évolution de la science, de la connaissance des volcans. On a appelé un type d'éruption du nom même de la montagne Pelée. Hein. Oui. On parle d'éruption peléenne, oui. Nous dites-vous. Hein. Tout à fait. Dans ces temps de début de la volcanologie, chaque fois qu'il y avait une éruption particulière d'un volcan, eh bien, on donnait à ce genre d'éruption le nom du volcan. Alors, vous avez eu l'éruption péléenne, l'éruption strombolienne, l'éruption vulcanienne. Parce qu'en fait, voilà. Il y a plusieurs types de volcans. C'est ce qu'il faut que vous nous expliquiez. Il y a plusieurs familles, en quelque sorte. Il y a plusieurs familles. Et en fait, ce sont tous des individus avec vraiment chacune leur personnalité. Oui. Donc, c'est difficile de les grouper dans des catégories. Mais il y a comme des grandes catégories qui sont dues à le contexte d'où ils se trouvent et à la nature de leur lave. Vous avez ceux aux laves très fluides. Ça présente pas un grand problème. Les coulées de lave peuvent dévaster votre propriété, d'accord. Mais vous les voyez venir à l'avance. Ils se déplacent à quelques dizaines de kilomètres heure. C'est rare de périr dans ce genre d'éruption qui est le plus fréquent. Ensuite, vous avez les éruptions qui sont de nature lave visqueuse, pleine de gaz, avec des explosions. Et ça, vous trouvez ça surtout dans les arcs insulaires comme l'arc des Caraïbes, le Japon, l'Indonésie, les Philippines. On est situé là sur des failles, sans doute. Oui, ça, alors là, vous êtes situé dans des endroits où il y a ce qu'on appelle les frontières des plaques tectoniques, où vous avez une plaque qui s'enfonce sous une autre. En faisant ça, elle chauffe. Elle libère la vapeur d'eau qu'elle contient. Cette vapeur d'eau chatouille la roche qui est au-dessus, la fait fondre. Et vous avez donc une fonte pleine de vapeur d'eau qui monte. Et c'est cette vapeur d'eau qui cause la catastrophe. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la montagne Pelée pourrait de nouveau faire des siennes? Absolument. Alors c'est un type de volcan. Alors le problème, c'est qu'on ne peut jamais dire quand. Mais si on étudie son passé, au-delà des éruptions du XXe siècle et de l'époque historique, quand on date les éruptions passées par carbone 14, on voit qu'elle a fait, au cours des 15 000 dernières années, 30 éruptions de ce type. Donc ça fait quand même une éruption tous les 500 ans. Et ce n'est pas un métronome. Ça ne veut pas dire que tous les 500 ans, il y a une éruption. Sûr. Vous pouvez en avoir trois de suite, puis rien pendant 1000 ans. Donc, elle a fait éruption ensuite, la montagne Pelée, en 1929, 1930, 31, à nouveau. Un type un peu différent, mais quand même des nuits ardentes. Depuis, elle est au repos. Rien ne nous dit pour le moment quand elle se réveillera, mais elle se réveillera. Ne réveillons pas le monstre qui dort. Alors, cette montagne Pelée a laissé dans les souvenirs des Français, évidemment, une image très forte. Il y a eu bien d'autres catastrophes volcaniques à travers les siècles. Nous y venons dans un instant, en votre compagnie. Repart un extrait de la complainte du Mont Pelée. Vous nous parlez justement, dans Au cœur de l'histoire cet après-midi, Franck Ferrand, de l'éruption de la montagne Pelée, avec votre invité Charles Frankel, géologue et spécialiste du système solaire. J'aimerais, si c'est possible, Charles Frankel, que vous nous disiez quelles ont été les zones les plus chatouillées, pour remployer le terme que vous utilisiez tout à l'heure. Quelles sont finalement les zones les grandes zones à risque en matière de vulcanologie? Le pourtour du Pacifique, indubitablement, car c'est là où vous avez des plaques qui s'enfoncent assez rapidement et qui font beaucoup de friction et qui libèrent beaucoup de vapeur d'eau. Alors vous avez en particulier l'Indonésie avec deux éruptions cataclysmiques au XIXe siècle, Tambora en 1815 et le Krakatoa, Krakatoa, on peut le dire des deux façons. Alors, on reviendra au Krakatoa tout à l'heure parce que c'est en très 1883. Important. Oui. Voilà, alors ceux-là. Vous avez également, plus près de nous, le Vésuve, ah oui. Tout simplement, et la baie de Naples, surtout le danger tenant à la très grande agglomération qui s'est développée maintenant sur ses flancs. Il semble que le volcan soit parti dans un sommeil qui pourrait durer quelques siècles, mais rien n'est moins sûr. Et on a vu comme quoi un réveil du Vésuve peut être catastrophique, comme par exemple l'éruption qui a détruit Pompéi. Donc ça, c'est un autre endroit. Vous avez également des endroits à l'intérieur même des continents qui sont très discrets, Ce sont des grandes, on appelle ça des calderas, ce sont des grands chaudrons avec très peu de topographie, qui se mêlent au paysage, qui sont tellement grands qu'on ne se rend pas compte que c'est un volcan, qui font 50-60 kilomètres de large. C'est le cas du Yellowstone, c'est le cas d'un volcan dormant près de Los Angeles qui s'appelle Long Valley. Ce genre de volcan ne fait éruption que tous les millions d'années, mais quand il le fait, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on a vécu pour le moment dans l'histoire de la civilisation. Quand ce genre de volcan fait éruption, c'est 1000 fois ce que vous voyez avec le Vésuve ou Krakatoa ou autre chose. Alors justement, la plus célèbre des éruptions volcaniques, c'est évidemment celle de l'an 79, c'est l'éruption du Vésuve. Là, on en parle beaucoup parce que cette catastrophe a mis un terme brutal à la vie de cités aussi brillantes qu'Herculanum ou Pompéi, bien entendu. Donc ça, ça a frappé les esprits à l'époque. Et puis surtout, ça a frappé les archéologues du 18e et 19e siècle lorsqu'ils ont découvert l'étendue de ce qui avait été enseveli, en fait. Tout à fait. Pompéi et Herculanum et d'autres, et plein de villas romaines, bien sûr, dans la campagne, ont été complètement ensevelis. On les a oubliés un temps. Et comme vous dites, quand les archéologues ont fouillé les ruines, ça a fait ressurgir des villes parfaitement préservées par les cendres ou par les ponces ou par les nuées ardentes. On a retrouvé, comme vous savez, les fresques, les statues, tous les détails. Donc on a fait revivre ces villes-là. Et c'est ça qui a vraiment frappé l'imaginaire collectif. On a eu la même chose d'ailleurs à Santorin. Alors, en Grèce. Par rapport à ce qu'on a pu vivre, à, si j'ose dire, tout à l'heure, à la Martinique, on a l'impression que l'éruption du Vésuve en 79 est plus concentrée et plus immédiate, d'une certaine manière. Il n'y a pas de coulée, là, en fait. C'est une sorte de pluie de cendres ardentes. Alors là, c'est assez complexe. En fait, ils ont eu un préavis. D'abord, ils ont eu des tremblements de terre. Et d'ailleurs, on se rend compte que quelques années avant l'éruption, beaucoup de bourgeois quittent Pompéi parce qu'ils doivent reconstruire. Voilà. Et ils se rendent compte qu'ils sont dans une zone bizarroïde. Le volcan se réveille en plusieurs... Il se réveille vraiment rapidement. Je ne sais pas... Personne n'a noté peut-être qu'il y a eu des prémices au niveau de petites bouffées de vapeur, etc. Mais tout s'est déroulé plus ou moins en une journée et une nuit, avec d'abord, comme vous dites, de la pierre ponce qui s'est abattue en pluie sur la ville. Alors il faut imaginer que c'est nuit noire dans ce cas-là. Donc c'est la panique totale. Vous ne voyez plus rien. Et les toits commencent à s'effondrer sur vous, sous le poids. Et ensuite, il y a eu, hélas, en plus, des nuées ardentes qui ont frappé un peu Pompéi et surtout Herculanum. Herculanum d'abord, oui. Quand on visite là-bas, quand on voit l'extraordinaire couche de cendres, ça fait des véritables carrières. Hein, ah c'est oui. Très impressionnant. Là, vous avez 6, 7, 8 mètres de ponce. Il y a eu de nouvelles éruptions depuis, une au XVIIe siècle, hein, oui, 1631, tout à fait. C'est ça 1631 qui a fait 3000 morts, il me semble, qui a fait quand même beaucoup de morts pour l'époque et qui sait si tout le monde a été compté. De moindre amplitude que celle de 79. Une éruption comme celle de 79 doit se passer sans doute tous les 2000, 3000 ans, il me semble. Donc, la prochaine pourrait être dans 1000 ans, alors, comme elle pourrait être dans 2 siècles. Pour ceux qui font de la voile ou des régates dans le coin, suivez mon regard, il y a un très beau spectacle, c'est celui de l'Etna. On n'est pas très loin, là. Autre grand volcan italien qui, lui, crache du feu presque en permanence. C'est spectaculaire, évidemment. Oui, alors l'Etna, c'est un immense volcan par rapport aux autres... puisqu'il culmine à 3400 mètres. C'est vraiment une très grosse montagne qui a également connu des éruptions explosives dans un très lointain passé, peut-être quand les premières tribus s'étaient accrochées sur ses flancs 1000 ans ou 2000 ans avant Jésus-Christ. Depuis l'époque franchement historique, il n'y a eu que vraiment des grandes coulées de lave. Donc comme je disais, c'est le type de volcan finalement assez prévisible, sauf que vous perdez des hectares de cultures et de vignes chaque fois que vous avez une coulée de lave qui descend des flancs. Mais mort d'homme, très peu. Ça ne fertilise pas certaines terres? Si. Alors, en fait, si. Au départ, non, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis, il faut des conditions particulières. Il faut que vous ayez quand même de la pluie aussi pour commencer à décomposer en argile les laves. Si vous êtes côté sec du volcan, ça ne vous servira pas à grand-chose, sauf peut-être pour le café et les vignes, effectivement. Mais justement, ce qui paraît étrange, pardon, ça fait un peu Monsieur Prudhomme comme question, mais comment expliquer que des êtres humains viennent s'installer quasiment sur les flancs de volcans dont on sait qu'ils risquent de jaillir et d'exploser? Parce que souvent, ces volcans sont endormis et s'ils étaient catastrophiques au départ, on réfléchirait à deux fois. Mais souvent, ils n'ont pas fait éruption depuis plusieurs siècles, comme ça a été le cas à la montagne Pelée. Il y a eu des éruptions célèbres. On sait que sur un certain nombre de tableaux de la fin du XVIIIe siècle, notamment, les peintres utilisent des pigments inattendus pour dépeindre les couchers de soleil, des verts un peu étonnants, etc. Et on a rapporté ça, on l'a rapproché à l'éruption de Lachy en Irlande. Oui. Alors, en Islande, beaucoup plus haut. Oui. Mais l'Irlande a été touchée, en fait, d'ailleurs, parce que, quoi qu'étant très loin, elle a été touchée par les gaz et les fumées, ça a causé de la famine jusqu'en Irlande, et également sur l'Europe. Car là, et alors là, c'est particulier, ce sont des coulées de basalte, alors on pourrait penser que c'est pas dangereux, hein, c'est les laves fluides dont on parlait, seulement là, elles ont été vomies, c'est le terme, à des débits gigantesques, avec énormément de gaz, et quand même quand c'est du basalte, vous pouvez avoir des jets de basalte qui montent à des centaines de mètres de hauteur. Puis en plus, quand vous êtes en Islande, ben le jet stream, il n'est pas si haut que ça quand vous êtes dans les hautes latitudes. Donc les poussières sont insufflées dans le jet stream. Elles reviennent en fait, oui c'est ça. Voilà, elles reviennent, elles s'étalent, et elles se sont étalées au-dessus de l'Europe. Et de fait, on a eu un hiver très froid. Et le premier à faire la... On est en 1783 là, c'est ça. C'est ça, absolument. Et le premier à faire le rapprochement entre l'éruption d'Islande et le désordre climatique sur l'Europe, c'est Benjamin Franklin, qui était en France à l'époque ambassadeur et qui a... Esprit scientifique ah là s'il là. En fut, hein. Ouais, remarquable absolument. Personnage. Remarquable personnage, ouais. Et il a fait le rapprochement. Et il a compris que finalement, il y avait un lien entre cette éruption volcanique et le mauvais climat, que le mauvais climat engendrait des crises frumentaires et que les crises frumentaires allaient déboucher sur ce qu'on appellerait un jour la Révolution française. Vous avouerez que c'est quand même des conséquences historiques majeures, bien entendu. Alors, vous parliez tout à l'heure du Krakatoa, ça c'était en 1883, un siècle plus tard. C'est beaucoup plus loin de chez nous et pourtant on en a beaucoup parlé aussi. Oui, et pourtant on en a beaucoup parlé parce que c'est un moment où grâce... au câble, etc., l'information circule maintenant très vite à travers le monde. En plus, la déflagration a été entendue très très loin, jusqu'en Australie. Mais à l'époque, moi je me rappelle avoir été fouillé dans une bibliothèque de New York, voir le New York Times de 1883, c'est en première page, il y a un petit filet. Donc là, ça a été démultiplié par l'importance que prennent les médias à cette époque, comme d'ailleurs Saint-Pierre, un peu plus tard, en 1902. Oui, d'ailleurs, évidemment. Parce que l'information, je là, me rappelle un film de Maurice et Katia Kraft sur le Krakatoa, hein, dans les années 70, ce dont je vous parle. Oui, sans doute. C'était très spectaculaire, quand même. C'est-à-dire que c'est un volcan qui a continué à faire parler de lui jusque dans des périodes très récentes. Ah oui, parce qu'il a quand même été décapité. C'était une île qui était inoccupé dans le détroit de la Sonde, entre Java et Sumatra. Il y a eu des explosions d'eau marine qui sont engouffrées dans la chambre magmatique. Tout le volcan a sauté en l'air, si vous voulez. Il devait culminer à 2000 mètres, il n'en restait plus qu'un moignon après. C'est intéressant de voir à quel point ces grands événements qui sont d'origine purement naturelle, ces cataclysmes au sens propre du mot, finissent par avoir des répercussions historiques majeures. Le cas le plus emblématique de tous, évidemment, ce serait l'éruption du Santorin, hein, bien entendu, qui va mettre fin à la civilisation minoenne, à la civilisation crétoise. Là, on est 16 siècles avant notre ère, mais ça a joué un rôle absolument majeur. Hein, ça a joué un rôle majeur. Alors ensuite, les archéologues se disputent sur exactement... Oui, sur la vraie raison. Oui, voilà. Y a-t-il eu d'abord un tremblement de terre ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes commerciaux et, absolument. Etc. Tout ça est arrivé en même temps. Et il est vrai que l'une des crises de la civilisation coïncide avec l'éruption de Santorin qui détruit sa plus grande colonie, qui est la civilisation crétoise, détruit sa plus grande colonie qui est à Santorin. Les palais de Crète sont touchés certainement également par des raz-de-marée. Et puis la civilisation périclite très peu de temps après. Donc la grande explosion de Santorin, qui d'ailleurs est équivalente à celle du Krakatoa, ça a été les deux éruptions les plus phénoménales des 10 000 dernières années. Vous imaginez ça, c'est fou, évidemment. Alors est-ce qu'en France, il y a un risque avec nos volcans du Puy-de-Dôme, par exemple ? Oui, il y a un risque, ce sont des volcans tout à fait récents. Bon, c'est pas un petit cône de cendre qui va se réveiller, la plupart des cônes de cendre des Puy-de-Dôme sont des cônes qui n'ont qu'une vie, qui naissent juvéniles, qui restent comme ça, qui meurent. D'autres sont plus imposants, comme le Puy-de-Dôme a connu une histoire un peu plus complexe. Mais il faut savoir que ce sont des volcans qui n'ont arrêté de faire éruption qu'il y a 10 000 ans seulement, voire même 7 000 ans. Et voire 7 000 ans pour la dernière pétarade. Donc c'est tout jeune, ça peut reprendre. Autre part, comme là, ça peut soudain, vous avez une faille qui peut se déclarer... je ne leur souhaite pas, à travers Clermont-Ferrand, ou quelque part dans un endroit de la chaîne des Puys. Évidemment, nous croisons les doigts. On vous écouterait, Charles Frankel, pendant des heures nous raconter ces espèces d'êtres qui ont l'air vivants, hein, ces volcans extraordinaires. Je cite l'un de vos derniers ouvrages, « Vous êtes ici, des clés pour comprendre la planète ». C'était chez Dunod. Merci infiniment. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Louise qui souhaite connaître l'origine de l'expression perfide Albion pour désigner l'Angleterre. Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Louise qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait savoir d'où vient l'expression perfide Albion pour désigner l'Angleterre. Alors pourquoi la perfide Albion ? Eh bien, vous savez qu'Albion, dans la mythologie, c'était le fils de Neptune, le dieu donc de l'eau. Et la légende veut qu'il se soit fait tuer par Hercule, alors qu'Hercule cherchait à atteindre la Gaule. Il aurait vécu, selon le poète de la Renaissance Spenser, en Angleterre, comme en témoignent les fameux vers « Le puissant Albion, père du peuple vaillant et guerrier qui occupe les îles de la Bretagne ». Donc cet Albion, si vous assimilez ça, si vous ajoutez ça à la couleur blanche des grandes falaises de Douvres, n'est-ce pas ? En latin, blanc, ça se dit albus. Eh bien, finalement, on a personnifié l'Angleterre sous les traits d'Albion. Mais ça explique que la moitié de l'expression. Pourquoi perfide Albion ? Eh bien, ça, c'est un terme qui est lié, évidemment, à l'anglophobie. Vous savez, une anglophobie qui remonte sans doute à la guerre de Cent Ans, qui a culminé à la fin du 19e siècle. Rappelez-vous ce que nous avions raconté à propos de Fashoda, par exemple, et qui va commencer à refluer au cours de la Première Guerre mondiale. Mais il ne sera pas trop de deux grandes alliances au cours des deux grands conflits mondiaux pour essayer de faire refluer cette terrible anglophobie qui s'exprime en France, surtout à partir de la Révolution. On connaît les vers du poète révolutionnaire Augustin Marquis de Jiménez, à qui on doit ces fameux vers « Attaquons dans ses eaux la perfide Albion », voilà là le terme est employé, « que nos fastes s'ouvrant par sa destruction marquent les jours de sa victoire, que le monde vers nous lentement attiré sente de quel fardeau nous l'aurons délivré et nous pardonne notre gloire ». À partir de là, on a envie de dire que ça n'arrête plus et que le terme de perfide est systématiquement associé à celui d'Albion et donc à l'Angleterre. Bonjour Roland Pérez. Et bonjour Franck. Et si vous vous mettiez à la danse, c'est le sujet aujourd'hui de la dernière émission des experts de l'été. De plus en plus de Français accourent pour danser le cha-cha-cha, le samba, la salsa, le tango et les autres danses de salon. La danse, on va le voir, n'a pas de sexe, pas d'âge ni de milieu social et se pratique même maintenant en salle de sport. Alors si vous êtes inscrit dans un cours avec un ami ou une amie, votre femme peut-être ou votre mari, et que vous êtes totalement mordu de ce hobby, ou si vous hésitez encore, venez nous raconter et poser vos questions dès maintenant au 3921 ou sur la page Facebook des experts et sur europe1.fr. La danse, la vie, ça se danse cet après-midi avec les experts de l'été. Merci beaucoup Roland. À demain Céline. Au revoir Franck, à demain.